Brille sur le vif. Écoutez. Que feras-tu cet été? J'espère que je pourrai retourner en Algérie. Et toi? Moi, j'espère trouver un petit hôtel pas cher en Auvergne. J'ai besoin de me reposer. Répétez. Que feras-tu cet été? J'espère que je pourrai retourner en Algérie. Et toi? Moi, j'espère trouver un petit hôtel pas cher en Auvergne. J'ai besoin de me reposer. Écoutez. Tu sais, j'attends un bébé pour le début de l'année prochaine. Tu es contente? Oui, mais j'espère ne pas avoir un troisième garçon. Répétez. Tu sais, j'attends un bébé pour le début de l'année prochaine. Tu es contente? Oui, mais j'espère ne pas avoir un troisième garçon. Écoutez. Nous n'avons pas vu Jacques depuis longtemps. Que devient-il? Il travaille. Il espérait avoir son examen en juin, mais il doit se représenter en septembre. Répétez. Nous n'avons pas vu Jacques depuis longtemps. Que devient-il? Il travaille. Il espérait avoir son examen en juin, mais il doit se représenter en septembre. Écoutez. Finalement, vous avez trouvé un logement? Oui, Porte d'Italie. C'est ce que vous cherchiez? Non. J'espérais louer un appartement dans le quartier latin, mais tout ce que j'ai trouvé était trop cher pour moi. Répétez. Finalement, vous avez trouvé un logement? Oui, Porte d'Italie. C'est ce que vous cherchiez? Non. J'espérais louer un appartement dans le quartier latin, mais tout ce que j'ai trouvé était trop cher pour moi.